et ne voyant plus que la femme. Jésus lui dit, femme, mwanamke, où sont ceux qui t'accusaient? Weko wapi wale walikuwa wakikuchongea? Personne ne t'a-t-il condamné? Hata mmoja sikuweza kuhukumu? Elle répondit, akajibu, non Seigneur. Hapana Bwana. Et Jésus lui dit, na Yesu kisha kamwambia, je ne te condamne pas non plus. Nami sikuhukumu. Va et ne pêche plus. Nenda na usitende tena zambi. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura ya 10 na 2. Je vais lire ici un verset. Tasoma kotu somo moja. Apocalypse chapitre 12. Ufunuo sura ya 10. C'est le dernier livre de la Bible. Inakuwa ni usomi wa mwisho wa Biblia. Je lis le verset 10. Tunasoma mstari wako wa 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, kisha nilisikia sauti kubwa ilikuwa ikisema, maintenant le salut est arrivé. Sasa okovu umefika. Et la puissance na uwezo et le règne de notre Dieu na kutawala kwa Mungu wetu et le règne et l'autorité de son Christ. Ata na mamlaka ya Mungu Baba. Car il a été précipité kwa sababu aruweza kutumu l'accusateur de nos frères. Ule mchongezi wa wandugu wetu. C'est lui qui les accusait. Ule ambaye alikuwa akiwachongea devant Dieu jour et nuit. Mbele ya Mungu usiku hata mchana. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tunaweza kushangilia kwa ajili ya neno la Bwana. Ce soir, ijioni, nous sommes toujours dans le thème que le révérend nous a donné. Tunakuwa katika kisina ambayo mchungaji aliweza kutupa. Il a déclaré que ce mois nous puissions prier pour notre santé. Arisemezia kwa ajili hii mwezi tupate kuombea kwa ajili ya afya yetu. Si nous n'avons pas une bonne santé, kama tuna na afya nzuri, nous ne pouvons pas exécuter tout ce que Dieu nous a demandé. Atuwezi kutimiza yote Mungu aliweza kutuambia. La santé, afya, elle se définit dans beaucoup de domaines. Iko naonekana hata mumaina nyingi. Alors ce soir, na hii mangaribi, j'aimerais parler des origines de la mauvaise santé. Tunapenda kuzungumuzia chanzo ya afya mbaya. Quelques origines. Machanzo kiloko. Il y a beaucoup de sources. Kuna kwa machanzo mingi. Mais nous voulons voir, lakini hapa tunapenda kuona, quelques sources de la mauvaise santé. Machanzo tu kidogo ya afya mbaya. Je suis convaincu. Tunakuwa na uhakikisho que la santé est d'abord spirituelle. Ya kusema afya inakuwa ya kwanza ya Kikristo. Si nous n'avons pas gagné la santé sur le plan spirituel, kama tukuweza kushika afya muali ya kiroho, même dans notre physique nous allons souffrir. Hata mwili wetu wa kupapasa tunaweza kuteseka. Alors pourquoi nous disons les origines? Jua nini tunasemezea machanzo? Parce que premièrement nous croyons, ya kwanza tunaamini, que tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, ya kusema yote nafika maisha ya binadamu, a toujours des origines ou des sources. Inakuwa paka na machanzo yayo. Ce n'est pas dire que quelqu'un souffre, aina kusema mtu anateswa, ou qu'il est pénalisé, au asifanye kitu, que nous pouvons dire voilà c'est venu comme ça. Tasema hivi ndio hivi aliweza kuwa. Quelque part, fasi moi fulani, ça trouve une source. Inakuwa na chanzo yayo. Soit sur le plan spirituel, hata kupande wa kiroho, soit sur le plan physique. Atakupande tu akimwili. Alors quand nous parlons sur le plan spirituel, na wakati tunasema kupande wa kiroho, nous pouvons parler du ciel. Tunaweza kusemezia mbingu. Le ciel a ses origines. Mbingu inakuwa na machanzo yao. La terre aussi a ses origines. Ata utongo na inakuwa na machanzo yao. Frère, lorsque nous parlons du ciel, wapendwa wakati tunazungumzia mbingu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, na wakati tunasoma neno la Mungu, nous voyons un enfant, tunaona mtoto, qui est né aveugle. Ularisalika kipofu. Quand on pose la question à Jésus, wakati wanamuuliza Yesu swali, il dit, anasema, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ni ili tu tukufu wa Mungu upate kujitukuza. Donc même le ciel, hata mbingu, savait, ilijua la situation de cet enfant. Aina ya umtoto. Donc les origines de sa guérison. Ni kusema machansu ya maponyaji yake. Devait venir du ciel. Ilipasha kutoka kumbingu. Il y a d'autres origines. Kuna kwa machansu nyingine. Que nous trouvons sur la terre. Ili tunakuta chini udongo. La terre elle-même. Ata udongo peke yao. Elle peut être source de problèmes. Inaweza kuwa chanzo ya mambo. Les microbes. Ta malari. Et tout ce qui va avec. Na biote binakuja. Lorsqu'on joue avec la terre, wakati tunacheza na udongo, un enfant joue avec la saleté, wakati tunacheza na uchafu, même les grandes personnes, ata watu wakubwa, ça produit la maladie. Iko na leta magonjo. Donc nous devons comprendre, sasa napesha tuelewe, dans notre situation, ya kusema muali yetu, quelle est la source, chanzo ni nini, de notre problème, ya tatizo letu. Tout ce qui existe, yote na kwa inaishi, a une source. Inakuwa na chance. Et ce soir, na imangaribi, j'aimerais parler de trois choses. Tunapenda kuzungumzia kwa bitu bitatu. Mais je pense que vu le temps, on peut parler d'un seul point. Sasa kwa kuona hii wakati tutazungumza tu kimoja leo. Et nous allons prier. Kisha tutaomba. Trois choses sur les origines de nos maladies. Bitu bitatu juu ya chance ya magonjwa yetu. Trois choses sur les origines des maladies de nos maisons. Trois choses, bitu bitatu juu ya chanzo ya magonjwa ya nyumba zetu. Frères et sœurs, ndugu na dada, on peut être dans la joie dans la maison de Dieu. Tunaweza kuwa katika furaha mu nyumba ya Mungu. Mais notre maison est malade. Lakini nyumba yetu iko katika magonjwa. Notre travail est malade. Kazi yetu inagonjwa. Notre communauté est malade. Hata ushirika wetu unagonjwa. Même notre église, ata kanisa yetu, elle peut être malade. Inaweza kuwa katika magonjwa. C'est pourquoi, chukwaman, pendant que je réfléchissais, wakati tunaweza kufikiri, j'ai dit est-ce que ce thème, il sema iki sino, c'est seulement pour qu'on puisse être guéri des maux de tête. Ni ili tu tupate kuponyeshwa kwa magonjwa kichwa kuma. Si seulement c'est les maux de tête, même à la maison Dieu peut nous guérir. Kama tu ni kichwa kuuma hata kunyumba Mungu anaweza kutuponya. Nous devons chercher à découvrir la profondeur des textes qu'on nous donne. Nafasa tujifunze kupata uketo wa usomi ambao wanatupa. Et le premier point, na nukta ya kwanza, nous l'avons tiré, tuliweza kuikokota, dans Apocalypse chapitre 12 le verset 10. Mufunuo sura ya 12 mstari wa 10. La Bible me dit, Biblia inasema, j'entendis du ciel une voix forte. Nirisikia toka juu mbinguni sauti kubwa zaidi. Maintenant le salut est arrivé. Sasa okovu umefika. Le règne de notre Dieu. Utawala wa Mungu wetu. L'autorité de son Christ. Mamlaka ya Mungu Baba. Car kwa sababu il a été précipité. Ariweza kutumiwa l'accusateur. Ule alikuwa kituchongea de nos frères. Awa nduku zetu. L'accusateur. Uchongei. J'ai compris frères et sœurs. Niruweza kuelewa nduku na dada. L'une des sources. Chanzo tu ya kwanza. Des problèmes. Ya mambo. Des maladies. Ya magonjwa. Vient des accusateurs. Iko natoka kuwale wako natuchongea. Vous allez me comprendre. Unapasha kuelewa. Qui est l'accusateur? Ni nani mchongei ya? C'est le diable. Ni shetani. Beaucoup de familles, majama nyingi, leur santé n'est pas bonne. Afya yao haina nzuri. Beaucoup de hommes, watu wengi, ils ne vivent plus la bonne santé. Aba ishi afya njema. Pourquoi? Jua nini? Parce que un jour, kwa sababu siku moja, il y a eu un accusateur. Kulikuwa mtu aliweza kuchongea. Toute accusation n'est pas mauvaise. Ata machongeo yote haina mbaya. Écrivez-le. Muyanchika nduku na dada. Vous êtes chez vous à la maison. Muko kwenu kunyumba. Votre enfant vient vous dire. Mutotoka na kuya kuambia. Papa. Baba. Tu as ordonné qu'on ne joue pas avec la télécommande. Uruweza kurusu tuchicheze na télécommande. Mais. Lakini. Tel a pris. Uyaribeba. Et il a joué avec ça. Na richeza nayo. Bon. Est-ce que c'est un problème? Hii inakuwa ni tatizo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Frères et sœurs. Nduku na dada. Je ne trouve pas. Si on y a pas. Que ça c'est un problème. Akusema hii inakuwa tatizo. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il est question de réguler l'ordre. Mais quand est-ce que les accusations deviennent mauvaises? Je parle des sources. Les origines des problèmes des communautés. Les problèmes des églises. Les problèmes des couples. Et des maisons. Quand est-ce que les accusations deviennent mauvaises? Frères et sœurs, vous devez comprendre. C'est lorsque l'objectif est mal placé. Lorsqu'on accuse. Pour faire mal. Lorsqu'on accuse. Pour détruire l'autre. Lorsqu'on accuse. Pour manipuler les gens. Lorsqu'on accuse. Pour affaiblir son frère ou sa sœur. Lorsqu'on accuse frère. Pour détruire la réputation d'une personne. Là vous devenez la cause. Des problèmes liés à la maladie d'une personne. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent simplement parce que quelqu'un l'a accusé en mal? Aujourd'hui, c'est la source de ses problèmes. Depuis qu'il avait regretté, depuis qu'il commençait à pleurer, depuis ce jour-là, la tension le dérange. Il a des fatigues à tout moment. Il réfléchit sans repos. Quand il pense à ce qu'on a dit, il est détruit en lui-même. Beaucoup de gens, la source de leurs problèmes, c'est ce qu'un jour, un homme a décidé de détruire la confiance. Joseph Youssef est un exemple dans la Bible. Joseph Youssef a subi beaucoup de choses à cause des accusations. Église de Dieu, peuple de Dieu, arrêtons de faire le mal. Frère, Joseph avait sa vie. Youssef, ils étaient tous frères et sœurs d'une même famille. Mais depuis qu'il avait parlé de son rêve, on a commencé à tout dire sur sa vie sauf la vérité. Oh, ce soir, je veux dire à quelqu'un, Dieu va aller détruire la source de ton problème au nom de Jésus. Il y a des familles détruites, malades aujourd'hui parce que quelqu'un s'était abusé. Allez dire ce qui est faux. Et l'homme et la femme n'ont plus confiance. Frère, kuchonga kote na kuchonga. La kizazo, toute accusation n'est pas accusation. Chonga juu ya kutengeneza. Accuse pour arranger. Mais bien. C'est bien. Kuchonga juu ya kudétruire. Accuse pour détruire. Aina bien. C'est pas bien. Kama mtu ananza kulukula. Si quelqu'un commence à souffrir. Aina kuchonga kutamutu. Ça c'est pas une accusation. Frères et sœurs, Dukunadad, vous devez savoir, Munapasha, nous devons savoir Tunapasha, que dans la vie, c'est manana maisha, il y a des gens qui tiennent à leur réputation. Prendre le nom de quelqu'un, marcher avec dans des problèmes, dans des choses fausses, que tout ce qu'on est en train de raconter, c'est faux. On ne fait que détruire. Il y a des gens, Kukowatu, toute leur vie, maisha yabo temsima, ils l'ont fondé bariweza kuitunga, sur une bonne réputation. Kubei tumzuri. Mina katala kusema kibaya juu yangu. Je refuse de parler en mal contre lui. Il refuse le vol. Il refuse les mensonges. Il refuse la prostitution. Il fait seulement la parole de Dieu pour qu'il marche dans cette parole. Mais il y a d'autres personnes. Il prend plaisir pour détruire. Dieu a quoi, frères et sœurs, si l'homme ne te voit pas, Dieu te voit. Mungu anakuona. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Aller au travers de la réputation de quelqu'un, c'est le détruire. Kwenda kuharibisha bei ya mtu ni kumharibu. Quand l'homme contrôle sa marche, wakati mtu anachunga vizuri mwenendo wake, l'homme se rassure de son bien-être, wakati mtu anajihakikisha na kuishi kwake kuzuri, quand l'homme s'investit dans la vie, wakati mtu anajingisha ta maisha pour aider, Dieu a kusaidia pour faire du bien, Dieu a kutenda mema, cet homme mérite l'encouragement. Ule mtu inafadhali kumtilia odari. Un homme qui vous aime, ule mtu anamipenda, frère, nduku, la seule chose qu'il faut lui rendre, kitu kimoja anafacha kumrudishia, c'est l'amour. Ni upendo. Celui qui vous fait du bien, ule anamitendia mema, tout ce que vous pouvez faire, yote ambayo mnaweza kufanya, c'est lui rendre le bien, ni kumrudishia mema. Aujourd'hui, Léoï, ceux qui ont détruit la vie des autres, wale waroza kuharibisha maisha wengine, les gens en qui on a mis confiance, ni bale batu ndani ya waliweka tumaini. S'il y a des choses qui détruisent, kama kuko bitu binaribu, c'est de savoir que cette personne, je l'aime, ni akujua kusema mtu nampenda, je lui fais confiance, na mtumainia. Mais regardez ce qu'il me rend, lakini tazama ile ananirudishia. Beaucoup de vies sont détruites. Maisha nyingi inaharibu. À cause de ce qu'ils ont entendu. Kwa sababu ya ile roho sakusikia. Quand un homme a investi sa vie, wakati mtu aruhusa kutengeneza maisha yake mzuri, dans le bon sens, muali nzuri, et qu'un jour il commence à entendre des choses de travers, na siku moja anaanza kusikia vitu kinyume, il est abattu. Anaweza kuharibishwa. Et c'est par ce chemin-là, na ni kupitia ile njia, que le diable entre pour détruire. Shetani anaingia kujua kuharibu. Frères et sœurs, nduku na dada, le diable, Shetani, viendra toujours chez toi par une parole. Atakuya kwako kupitia msemo. Le diable, Shetani, ne viendra pas par des choses fantômes, des choses, non. Atakuya kupitia bya bongo. Une parole. Atakuya tu kupitia msemo. Beaucoup de gens sont détruits. Watu wengi wanaribu. À cause d'une parole. Juto ya msemo moya. Si la parole peut créer, kama tu neno inaweza kufanya, la même parole peut détruire. Na ile msemo mwamo inaweza kuharibu. Dis à celui qui est à côté de toi, sema na ule kuko pembeni yako, mon frère, nduku yangu, tu veux détruire combien de personnes pour terminer? Unapenda kuharibu watu wangapi juu ya kumaliza? Les églises sont détruites. Makanisa inaharibishwa. Les maisons sont détruites. Manyumba inaharibishwa. Les communautés sont détruites. Makomunoti inaharibishwa. À cause, kwa ajili, de l'arme du diable, ya silaha ya shetani, les accusations, wale wa kuchongea. Frères et sœurs, nduku na dada, est-ce que nous connaissons le prix d'une âme? Tunajua ko tu bei ya nafsi moya devant Dieu, mbele ya Mungu. Non, frères et sœurs, hapana nduku na dada. Non, corrigeons, ça va nous aider à guérir. Itatusaidia kuponya. Quand un homme vit cette déception, wakati mtu anaishi tu ima ubaya, c'est là le début des maladies. Na ile njona kwa mwanzo ya magonjwa. Beaucoup de gens ont vu les choses être détruites. Watu wengi wanaona vitu kuharibu. Parce que ce qu'on dit d'eux, ce n'est pas ça. Kwa sababu bile banasema kwa ajili yao inabidi. Aujourd'hui ils sont dans la confusion. Leo wanakuwa katika mfurugo. Ça commence avec des paroles. Ilianzishwa tu na misemo. Aujourd'hui ça demande des voyages pour réparer. Leo inakuwa na lomba tama usafiri juu ya kutengeneza. Ça commence légèrement. Ilianza tu pole pole. Par une parole. Kupitia msemo. Non, frères et sœurs. Hapana ndugu na dada. Ça c'est l'œuvre du diable. Inakuwa ni tendo ya shetani. Oh frères et sœurs. Ndugu na dada. La vie est malade. Maisha inakuwa katika magonjwa. Vous accusez de ce que vous n'êtes pas. Wakati wanamichongea kwa bile hamuna nabio. Vous êtes malade. Muko katika magonjwa. Lorsque tout ce qu'on dit de vous n'est pas ce que vous êtes. Wakati yote wanasema kwa ajili yenu haina kile muko. Voilà les œuvres du diable. Ile ndio matendo ya shetani. Le diable s'est choisi d'exécuter beaucoup de choses. Na shetani aliweza kujitunga kuweza kutimiza bitu. Je parle avec ma mère. Na siku moja nasikumuza na mamangu. Elle a un problème de cœur. Anakuwa na mambo ya roho. Quand je lui pose d'où ça vient, wakati namuuliza chanzo ya kule inatokea, Il y a des choses que j'ai entendues. Ça ne m'avait pas aidé. Aujourd'hui, j'en souffre. Frères et sœurs, arrêtons. Non, Apana. Ça détruit. Nous ne sommes pas du diable. Nous sommes enfants de Dieu. Si tu trouves un problème avec ton frère, suis-le. Suis-le. Chrétien, au Christ, nos églises sont malades. Vous pouvez passer partout. Vous entendez quelqu'un vous dire. On m'a dit. Bari nyambia. On t'a dit quoi? Bari kwambia nini? Nous n'avons pas trois pasteurs. Atuna na watumishi watatu. Nous avons un seul. Tuko paka na mumoja. Va le voir. Wendo mwone. Oh frères et sœurs. Apana nduku na dada. Les paroles. Misemo. Les mauvaises accusations. Ata makuchongea kwa ubaya. Détruit. Iko na haribu. Beaucoup de gens souffrent. Watu wengi wanateseka. Parce qu'ils sont rentrés dans leur maison. Kwa sababu warudia manyumba zao. Au lieu d'avoir la joie. Ili akue katika furaha. Ils ont la douleur. Anakuwa na maumivu. Il y a des choses qui ne se manifestent pas le même jour. Kuko bitu adonekana kesiku moja. Le fait d'aujourd'hui. Lakini leo. Mais ça détruit les gens après 20. Iko na haribu watu. Ça détruit les gens après 10 ans. Iko na haribu watu. Ça détruit les gens après une année. Iko na haribu watu kupita mwaka moja. Oh, je prie ce soir. Tunaomba ikioni. Que ces origines. Nakusema ile machozo. Des mauvaises accusations. Ya makuchonga kwa ubaya. Soit détruit dans nos vies. Ipate kwa ubiko maisha yetu. Au nom de Jésus de Nazareth. Mujina la Yesu Kristo Nazareth. Nous allons détruire ma mauvaise accusation pour Maïsa. Que toutes les mauvaises accusations sur ça nos se vies. Passe dans nos familles. Il ça se passe dans nos maisons. Il ça se passe dans nos quartiers. Il partout nous nous retrouvons. Facile même dans notre travail. Attends, il y a des gens toujours mal intentionnés. Ils doivent parler en mal. Pour te disqualifier. Tu as coupé ça pour te perdre. Ils ne réussiront pas. Abastaweza. À cause de ce qui est en toi. Kwa sababu ya kile kinakuwa ndani yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oh frères et sœurs. Nduku na dada. C'est pénible. C'est terrible. Inakuwa kigumu kabisa. Muro. Dans le cœur. Kama kumambu. S'il y a des problèmes. Nani atingia. Qui va entrer? Coupez seulement quelqu'un, le plaît sur le vivant, soignez ça. Mais dans le cœur, jamais. Quelqu'un m'a dit. La tête, tu vas prendre l'aspirine. Mais le cœur, si c'est moi, c'est détruit. C'est fini. Mais s'il ne fait pas ça, tu le détruis. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Pourquoi je dis qu'on acclame pour nous-mêmes? Parce que nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous, on accuse pas mal. Je veux dire à quelqu'un qui trouve que les origines de la maladie sont venues par ces choses. Ce soir, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. La Bible me dit. Et j'entendais du ciel une voix. La parole de Dieu est une parole de salut. Quel que soit le nombre des accusateurs, quel que soit le nombre de la destruction, mon frère, je ne connais pas. Ce qui a déjà mis en mal ta famille. Ce qui a mis en mal ta maison. Ce qui a mis en mal ton ministère. Et ce soir, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du salut. Quel que soit le tort qu'on t'a causé. Jésus peut te sauver. Jésus peut te guérir. Il n'est pas tard. Il peut changer le mal en bien. Anaweza kubadilisha mabaya kuzuri. Oh je pensais que tu allais me donner un bon amen. Ce soir, il y a une bonne nouvelle. J'entendis du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Aux frères et sœurs, dans ta maladie, dans ta situation compliquée, il faut que tu entendes une voix. Ne pleure pas. Sans écouter la voix. Ne te lamente pas. Sans écouter ce que lui Dieu parle en ta voix. Plus tu écoutes ce que les hommes disent, plus tu es détruit. C'est ce qu'Abakouk dit. Quand je pense à l'absinthe, aux accusations, je suis détruit à moi-même. Mais ce que je vais faire passer dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce soir, quel que soit ce qu'on dit de toi, quelle que soit l'origine de ta maladie, ma prière pour toi, entend une parole de Dieu qui t'annonce ton salut au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu commence à te guérir. Que Dieu commence à toucher les origines de ta maladie. Même quand vous allez à l'hôpital, le médecin cherche toujours à connaître la source. Je dis à quelqu'un, si la source de ton problème a commencé par une parole, a commencé par une accusation, a commencé par une douleur, que le Saint-Esprit vienne à ton secours, qu'il commence à te toucher, qu'il commence à te guérir au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, quelle que soit l'origine, que le Dieu de cette église commence la réparation. Il y a des vies qui demande réparation. Il y a des ministères qui demandent réparation. Il y a des couples qui demandent réparation. Je lève ma main vers le ciel et je déclare dans la vie d'une personne que Dieu commence à réparer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère et soeur, le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire. Mais Jésus, il est venu pour que tu aies la vie, pour que ta situation trouve solution au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous avons lu dans Jean chapitre 8 à partir du verset 10, la Bible dit que ce temps relevé, c'est une femme. Elle a été contredite par la loi de Moïse devant Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous accusent pour le mal, qui ne vous accusent pas pour votre bien. Mais ce soir, Dieu va transformer le mal en bien au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui ont fait le mal pour t'arrêter, pour te détruire, Dieu va changer ce mal en bien au nom de Jésus. On l'a amené. On a dit, regarde cette femme. Jésus, confonds-nous maintenant. Le problème, ce n'est pas le salut. Mais vous savez, même quand vous allez à l'hôpital prier, il y a des médecins, son objectif c'est le sacrifice. Mambo moi qui loco. Un petit problème. À cette route, là, il y a glucose, il y a sucre. Et Dieu, nous sommes trompés. On a mis la glucose. Dans ta vie, nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons au nom de Jésus. Sous ton nom, on ne va pas oublier. Quelqu'un disparaît. À cette route, à ces manis sucre, ils pendent. On ne savait pas que c'était le sucre qui montait. Apan. Léo. Aujourd'hui. Tout est dans ma origine. Nous allons toucher les origines. Nous allons toucher les choses pour aller détruire. La Bible dit Bible que ces hommes sont venus pour accuser la pauvre. Parce qu'elle était la seule à commettre le péché. Moi, je vais défier d'abord les gens qui détruisent la vie des autres. Ce qui détruit sera détruit. Qui bénit sera béni. Frères et sœurs, quand tu détruis, fais le bien. Parce que toi aussi, on va bien te détruire. À la loi et au témoignage, faisons le bien. On amène cette femme. On la jette par terre. Jésus dit nous. Elle est là. On vient de la prendre. Un délit de lui d'adultère. Prouve-nous le contraire. Jésus dit. Yesu que celui parmi vous kati qui n'a point péché soit le premier à lapider cette dame. Soit le premier à te lapider. Ma Bible dit du premier jusqu'au dernier et tous se sont retournés pour partir. À partir de ce soir, ceux qui accusaient ta vie, ceux qui cherchaient la maladie, ceux qui voulaient te détruire, vont se regrouper pour partir au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va te justifier. Quelle mauvaise accusation. Oh, frères et sœurs, une bonne accusation donne la vie. Quand une accusation donne la mort, ce n'est plus bon. Je prie pour quelqu'un ce soir. Toi qu'on accuse. Réjouis-toi. Jésus va changer le mal en bien. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors deux choses. Puisque nous voulons prier, si tu veux détruire les maladies qui viennent par les origines non connues, par le cadre que nous venons de lire, Jésus a dit à cette femme, est-ce que tu vois encore ces hommes? Elle a dit quoi? Non. Apana. T'ont-ils fait du mal? T'ont-ils fait du mal? Elle a dit non. Apana. Jésus a dit lève-toi. Yesu alimwambia simama. Et pas. Na uondoke. En d'autres termes. Munamna ingine. Et ne pêche pas. Na usifanye tena sana. Frères et sœurs. Nduku na dada. Tu peux avoir mal. Unaweza kuwa na uchungu. Dans la vie. Mu maisha. Des situations que tu n'as pas préparées qui t'arrivent. Mahali ambao kutarisha inakufikia. Pardon. Amina. Il y a des cœurs qui gonflent, qui cherchent même à s'éclater. Parce que tu ne pardonnes pas. Tu peux aller à l'hôpital autant de fois. Le médecin ne se trouve pas dans le cœur d'une personne. Peut regarder des vitesses de sang et tout ça. Urumia. Toi, pardonne. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu vois, ce problème-là, il est mambo, il est. Pardon. Rumia to. Oh non, il ne m'a pas demandé pardon. C'est parce qu'on l'ombe bouluma. Pardon. Rumia. Amina. La deuxième chose. Na kitu kapil. Si tu veux voir, comme on appelle d'accord, tes origines être détruites. Ma chance kuharibishwa. Tu dois effacer. On n'a pas chaque ça j'ai écrit. Effacer par le sang de Jésus. Kuzima mudamu ya Yesu. Et briser toute origine des accusations. Ce n'est pas normal que tu sois toujours en colère. Non. Il y a un problème. Kuko tatizo. Il faut détruire. Inafazali kuharibu. Mangaribi ya leo. Ce soir. Kanisa. L'église, tout à chimam. Nous allons nous tenir debout. Kama unaona ke kuku ma origine iko na tafuta kuleta bubaya. Si tu vois qu'il y a des origines qui veulent apporter le mal, Léo, aujourd'hui, pomona. Que tu détruis cela. Munyumba yako. Dans ta maison, pomona. Détruis. La Bible dit. Biblia nasema. J'ai entendu une fois. Mais ce qui a sauté. L'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu. ulianza kubachongea mbele ya Mungu usiku kama mchana. Une mauvaise accusation tue. Hata machongeo mabaya inaua. Une mauvaise accusation donne la maladie. Machongeo mabaya inaleta magonjwa. Tu es obligé ce soir. Unalazimishwa hii jioni. D'annuler certaines mauvaises paroles à ton égard. Ya kuweza kutosha mamisemo mabaya kungambia. Par la puissance de Dieu. Kupitia uwezo wa Mungu. Ce soir. Imangaribi. Bien-aimés, soyons devant Dieu. Tukue mbele ya Mungu wapendwa. Nous voulons maintenant prier. Tunapenda sasa kuomba. Mangaribi ya leo. Ce soir. Il y a des paroles qui étaient dites. Kukoma misemo ruweza kusemezo. C'était vrai, c'était faux, on ne sait pas. Ilikuwa ya kweli hata uongo sisi tujue. Mais regarde comment tu en souffres. Lakini tazama vile unakuwa unateseka. Ce soir. Imangaribi. Nous voulons détruire. Tunapenda kuharibu. Même sur notre église. Hata ndani ya kanisa yetu. Nous allons détruire. Tutaharibu. Les mauvaises paroles. Misemo mibaya yote. Les mauvaises accusations. Makuchongea kote kwa mbuka. Pour arrêter la vie des gens. Jua kusimamisha maisha watu. Pour les rendre malades. Jua kuwafanya ukiwagonjwa. Non, ce soir. Imangaribi. Bien-aimés, nous voulons prier. Wapendo tunapenda kuomba. Commence d'abord à bénir le Seigneur. Anza kubariki sasa Bwana. Il y a une parole de salut ce soir. Kuko msemo wa wokovu. Si Jésus a sauvé cette femme. Kama Yesu aliokoa mwanamke. Toi aussi Dieu va te sauver. Nawe pia Yesu atakokoa. Quel que soit le niveau de ta maladie. Ingawa kipimo cha maisha yako. Jésus est capable. Yesu anakuwa na uwezaji. Nous voulons prier le Seigneur. Tunapenda kuomba Bwana. Élève ta voix. Nyanyua sauti yako. Commence à remercier le Seigneur. Anza kubariki Bwana. Ce soir. Imangaribi. Est une soirée merveilleuse. Inakuwa ni jioni ya mastajabu. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Anza kubariki Mungu. Commence à bénir. Commence à bénir le Seigneur. N'attends pas les instruments. Commence d'abord à bénir le Seigneur. Anza kubariki Bwana. Il y a une guérison spirituelle ce soir. Kuna kwa uponyaji wa Kristo jioni. Même pour celui qui était prêt d'abandonner. Atakuwa alikuwa tayari ya kuweza kuacha. Dieu va te guérir. Mungu atakutusa. Il va changer le mal en bien. Atabadilisha mabaya kwa mema. Toute mauvaise accusation. Atawa kuchonge kote kubaya. Ce soir. Imangari par son origine. Kupitia chanzo lake. Doit être arrêté. Itasimamishwa. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Commence à prier. Anza kuomba. Anza kuomba. Les mauvaises accusations. Makuchonge kote kwa mbaya. Détruit ton couple. Ile inarabisha Josia. Détruit ta maison. Inarabisha nyumba yako. Détruit ton église. Inarabisha kanisa yako. Détruit ton travail. Inarabisha kazi yako. Te donne des fatigues. Inakuletea kuchoka. Oh, ce soir. Hi magharibi. Nous allons anéantir cela. Tutasimamisha ile. Nous allons effacer et briser. Tutaefisa ile kutosha. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Commence à prier le Seigneur. Anza kuomba Bwana. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. A la possibilité. D'effacer les ordonnances. D'effacer les actes. Qui nous condamnent. Qui nous détruit. Qui nous donne la maladie. Oh ce soir. Au nom de Jésus. Je déclare. Et je décrète. Les mauvaises paroles. Qui ont voulu me détruire. Qui ont amené la mauvaise santé. Dans ma vie. Je les annule et les détruis. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Je le prie pour ta maison. Je le prie pour ta vie. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ce soir. Que le Dieu de cette église répare là où il faut réparer. Qu'il agisse là où il faut agir. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il te sauve. Des mauvaises paroles qui cherchent à te lapider. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Oh, Kati Kati Nalaïs. Il y a des paroles qui t'ont détruit. Ce soir, prie le Seigneur. Kati Kati Nalaïs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, prie le Seigneur. qu'il arrête ces choses. Kati kati na la Yesu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que te kebro chakati. Rokoto kobre sekete. Oh merci Saint-Esprit. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu redoutable. Ce soir, les origines des maladies qui passent par des paroles, qui passent par des accusations, je le neutralise. Je marche dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Manifeste ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh alléluia. Et alléluia. Oh manifeste ton règne. Manifeste ta puissance. Manifeste la délivrance. Kati katina la Yesu. Oh Baba Ksant. Oh alléluia. Oh merci Seigneur. Il y a des accusations dans ta vie qui ont pour objectif ta mort. Je veux que tu sois consacré. prie le Seigneur, déclare-le ce soir. Proclame la santé divine. Proclame la santé divine. Que toutes les sources soient arrêtées ce soir. Les sources des maladies. Ça a commencé par une parole. Ça a commencé par une déception. Ça a commencé par une douleur. Ce soir, j'arrête cela. Au nom de Jésus. Ça a commencé au travail. Quelqu'un t'a dit, toi tu ne vas pas hériter ça. Toi tu ne pourras pas. Depuis ce jour-là, tu es dans la déception. Tu as des problèmes d'estomac. Oh, ce soir, tu vas déclarer. Tu vas effacer les ordonnances, les paroles sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te veux en bonne santé. Je veux que tu marches normalement. Je veux que tu vives normalement. Alors déclare, réclame cette bonne santé. Réclame cette vie de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shakataka. Alléluia. Zimate kerebos. Alléluia. Roma de Yama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, il y a la puissance de Dieu. Qui va neutraliser les esprits d'accusation. Il écoute son cœur. Qui amène les problèmes. Il y a coulé ta maman. Les divisions. Il y a coulé ta querelle. Ce soir, Dieu va les détruire. Au nom de Jésus. Shakatokeyaka. Simaya koyabosh. Leria. Katikatina. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Père, que tout ce qui nous accuse, que tout ce qui est lié à nos vies, que tout ce qui bloquait, Seigneur, notre avancement. Que des paroles prononcées depuis notre enfance. Que des paroles prononcées, ce n'est que lorsqu'on grandissait. Frères et sœurs, nous voulons terminer. Je te prie de te tenir debout. Que ce soit précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui t'accuse jour et nuit. C'est le diable. La bonne nouvelle. Dieu l'a mis sous tes pieds. Ce soir, on va piétiner. Vous savez, il y a des maisons qui sont toujours dans le querelle. On les a déjà accusés. Satan vous a déjà accusé. Le diable vous a déjà accusé. Pourquoi? Parce que si il te regarde, il te dit, toi tu ne vas pas bien vivre. Nous allons vivre normalement au nom de Jésus. Nous allons vivre normalement. Ce soir, tu vas prier pour ta maison. Détruire ma querelle. Tu vas détruire les querelles. Ce sont les choses qui amènent les maladies. Les esprits de colère. Les esprits de division. Nous allons détruire cela. Élevons nos voix. Sambisha nyumba yako. Sambisha ndoa yako. Sambisha kila kitu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, prie le Seigneur. Ce soir anéantis la puissance des accusations. Que tout celui qui t'accuse, celui qui ne veut pas que ton bonheur, ce soir mets-le sous tes pieds. Que tout ce qu'il pouvait raconter, si ma mission, Père, je n'ai rien l'esprit des querelles dans ma maison, je n'ai rien dit. L'esprit des divisions, je n'ai rien dit. L'esprit père des querelles, je n'ai rien dit. Au nom de Jésus, Père, que ce soit, Père, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, je n'ai rien dit. Frères et sœurs, je déclare ce soir, en tant que serviteur de Dieu, toutes ces paroles. Toutes ces accusations qui voulaient détruire ta vie sont arrêtées au nom de Jésus. Ce soir, tout celui qui t'accusait au travail, tout celui qui t'accusait dans ta famille, tout celui qui t'accusait dans ta maison, tout celui qui ne parlait qu'à mal, je le piétine au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce que tu ne savais pas, quand on t'accusait, le problème, on voulait arrêter ta vie. Mais moi je déclare, en tant que serviteur de Dieu, si Mardoché n'a pas été tué, toi aussi, tu ne seras pas tué au nom de Jésus de Nazareth. Toi aussi, le Saint-Esprit parlera en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens, l'Esprit de Dieu me convainc. On veut abîmer votre réputation. Mais ce soir, j'appelle le sang de Jésus. Ce sang précieux. Il peut parler plus que la parole de tous les hommes. Plus que le sang des hommes et des boucs. Et le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, nous anéantissons les origines. Ma chance de maladie. Yamagotwa. Les origines. Ma chance de problèmes. Yamambo. Mangaribi aleo. Ce soir. Sois en bonne santé. Toi moi sans jamais. Sois en bonne santé. Toi moi sans jamais. Sois en bonne santé. Toi moi sans jamais. Sois en bonne santé. Toi moi sans jamais. Ta vie spirituelle. Maisha kwa kiro. En bonne santé. Moi sans jamais. Ta vie de prière. Maisha kwa maombi. En bonne santé. Moi sans jamais. Ta communion avec Dieu. Ushirika na Mungu. En bonne santé. Moi sans jamais. Ton travail. Kazi yako. En bonne santé. Moi sans jamais. Ce week-end. Ce week-end. En bonne santé. Moi sans jamais. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Jésus a dit à cette femme,